vendredi 12 mai. Mais avant, je dédie cette émission à Roger Gagné, qui nous a quittés il y a de cela quelques heures. Donc, l'auréole de ces 120 minutes sera sous la supervision de ce Roger Gagné, qui a quitté le plancher des vaches pour les retrouver là-haut, ces belles vaches qu'il aimait tant. Vendredi 12 mai 2017. Vous aimeriez ça si vous voulez savoir l'histoire des vaches à Roger, hein? Bon, il est plus là. Je peux peut-être vous dévoiler le secret. Si vous n'étiez pas des auditeurs fidèles. Attendez, je vais changer la prise pour aller là, ça sera mieux. Ben voilà. Ah, voilà, voilà. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire des vaches à Roger. Ce serait un début d'improvisation. OK? Alors, on va laisser le générique passer. Je vous reviens. Parce que j'ai de la colle à m'appliquer. Ils vont se dire, ils commencent déjà avec la colle. Non, c'est... C'est bien sûr ma prothèse qui demande un léger soin. Donc, j'y vais. Mais avant, où tu vas, Montréal? Ben, je vais m'appliquer. Tu vas t'appliquer à faire de la lecture, de l'écriture, mais appliquer de la colle. OK, voici. Va appliquer. Mais ben, attends, va t'appliquer et... d'impliquer les gens qui nous écosent. On va déjà débuter par le 12. Le 12, mais non. Ben oui, le 12 mai 2017. Ouvre ta radio. C'est, sinon, tu peux pas nous entendre. Mais monte le volume. Et hume la différence. C'est parti. Mon. Qui, bien sûr, à Québec. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Merci, excusez-moi. Ça commence bien. Mais je suis trompé de bouton, puis en plus, Benjo, arrête pas de se faire entendre. Vous connaissez Benjo. Pas besoin de... Oui, merci. Petit pet. Pas besoin de présentation. Mais si j'ai des problèmes et je dois aller le voir, j'ai une petite chanson de préparer. Ah, tout va bien aller. Je vous le dis, tout va bien aller. Comment ça va? Hey! On a toujours dit... Quel est l'adage? On va la trouver. Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, sinon, mois de mai, goûte au nez. L'avez-vous? Moi, depuis 30 ans, j'attrape presque plus rien. La grippe, le rhume, si je l'ai... Aux 5 ans, là, je suis très atteint. Il n'y a pas une maladie qui s'accroche à moi. Il n'y a pas un virus qui veut s'accrocher à moi. Il n'y a rien, rien, rien. Je m'en vante pas. J'ai un problème. Puis c'est pas bon, hein? C'est pas bon.

qui est pas bon, hein? Mais ce qui est bon, c'est quand Juliette... C'est pas pire, c'est bon, hein? C'est pas pire, pas pire, pas pire. C'est excellent. Et là, ça sonnait un peu Bobby Lapointe. Légèrement, légèrement, très léger. Très, très... Oui, c'est deux zestes de Bobby. Mais là, c'est 100%. C'est de l'absinthe de Bobby Lapointe. Une reprise, encore, de Juliette, avec un groupe très déjanté que j'adore et qui ne savent même pas que j'existe. C'est Whippers Circus. Et Juliette? Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Moi, je veux jouer de l'hélicon. N'en parlons plus, mauvaise tête. Tiens, va donc voir la femme tronc. Donne-lui ses haricots de mouton. Non, maman, je ne veux pas que la trompette. Je veux jouer de l'hélico. Mon fils, tu es bien polisson. Je veux jouer de l'hélicon. Pom, pom, pom, pom. Du hautbois de l'hélicon. Pom, pom, pom, pom. Eh bien, y a ton ami Élie qui n'est pas très intelligent. Si tu veux pas jouer avec lui, non, maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Pom, pom, pom, pom. Ah, tu m'énerves. Ah, c'en est trop. Il voulait jouer de l'hélicon. Pom, pom, pom, pom. Con. Con. Oh, con. Bon, silence. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne. Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action. Cinéma. Ce qui est bien des reprises réussies, c'est qu'on en voit une autre facette. C'est pas donné à toutes les reprises de nous donner cette spécificité et ce regard nouveau. Moi, je suis souvent déçu. Au même titre que certains artistes, chanteurs, chanteuses, lorsqu'ils ne savent plus quoi faire avec leurs chansons, font des duos. Les duos peuvent être réussis, au contraire, faire du remplissage de platine ou du remplissage d'albums ou de discographie. Là. Il est rendu à son 14e album, il doit en faire un 15e. Le public l'attend. Il est plus inspiré. Quand quelqu'un est plus inspiré, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va voir ce qu'il a déjà fait. Il tourne les pages. OK, ah ça c'était bon. Ah oui, ah oui, ah ce passage-là. Puis là, il reprend le crayon. Le papier blanc, ou ligné, ou l'ordinateur, il n'y a rien qui se passe. Compagnie de disques, monsieur, madame, groupe, on attend. Kubrick, dans 2001, ça c'est extraordinaire. Kubrick, il a pris 10-12 ans pour faire son 2001 Odyssée de l'espace. Les gens, les producteurs, sa compagnie de production allait le voir régulièrement en disant « Monsieur Kubrick, on vous donne des sous. Êtes-vous rendu à quel... Hein? Avez-vous quelque chose? » Là, il sortait des tableaux, racontait des trucs, puis eux étaient tellement... Ils ne comprenaient rien, mais ils ne voulaient pas le dire. « OK. Non, écoutez, je suis sur un bon filon. Le film sera ou ne sera pas. » Et les cravateux, les cravatés quittaient le bureau de Kubrick, très embarrassés. Entre eux, on n'a rien compris. Ah non, puis là, il y a un petit futé. Ah non, mais je vois une parcelle d'intelligence, là. Nous frappons très fort. Ce sera peut-être le film de l'année, le film du siècle, peut-être le meilleur film du cinéma mondial. Ah bon, on va lui glisser encore un petit peu plus de sous. Les moyens. C'est comme ça, Kubrick. Savoir parler, être un orateur, emballer les gens qui te font confiance, les mécènes. Mais eux autres, c'était pas des mécènes, c'était des producteurs. Eux, un producteur qui veut se lancer dans le cinéma, ce qu'il veut, lui, c'est que son argent augmente. C'est comme la bourse. Tandis qu'un mécène, c'est quelqu'un qui croit à un chanteur, un cinéaste, lui donne de l'argent sans aucun retour. Il a un portefeuille bien garni. Donc, il offre, parce qu'il aime l'artiste, de l'argent. En disant, voilà le petit chèque. Là. Il pousse un chèque. L'artiste étonné. Ah, merci! Je vais pouvoir faire 2-3 chansons supplémentaires ou même commencer mon album. Ah oui, j'adore ce que tu fais. Surtout la chanson « Le mal-aimé ». C'est tellement beau. J'aimerais que tu rendes au moins ton disque sur le marché, puis je vais même l'acheter. Hey, le gars, il est vendu d'avance. Il aime la voix, il aime l'écriture, il aime la musique. Donc, il faut encourager. C'est KRL, vous l'aimez. Soyez mécène. Attendez rien en retour. Si vous voulez poursuivre le chemin que cette radio fait depuis des années, dépliez. Ben oui, ouvrez le portefeuille. Donnez sans attendre. Et vous aurez tellement de choses en retour. Des choses au niveau auditif, mais aussi visuel. Vous pouvez passer, nous voir. Nous ne sommes pas simplement que virtuel. Nous sommes réels. Quoique moi, il n'est pas certain. Moi. Reynald est-il réel? Oh! Question fondamentale de la vie. Les fous furieux se sont penchés sur la question. Ces fous furieux étaient à l'époque des philosophes, des écrivains, des poètes. Aujourd'hui, on a perdu la carte. Mais il faut perdre la carte pour discourir d'un autre propos et donner aux gens un autre reflet de la réalité. Il faut perdre la carte. Souvent, c'est certain que je ne dirais pas de... Non, je ne balancerai pas, mais... Ce qu'on entend à la radio, ça perd pas la carte, là. Ça perd plutôt... ça nous brûle, les cellules. Et quand une chanson joue 8 fois dans la même journée, à la même station de radio, tu te dis, voyons, il croit-il? Est-ce qu'il croit que nous ne nous en rappelons pas? Vous l'avez joué, monsieur, je me lève à 6h du matin. La première chanson, c'était celle-là. J'embarque dans mon véhicule à 7h35. Je reste coincé, malheureusement, dans l'embouteillage. 2h15. Vous l'avez fait jouer pendant à 2 reprises en 2h15. Elle n'est pas bonne, la chanson. Ça fonctionne. C'est de la pourriture sonore. Croyez-vous que à force de marteler le peuple, ça va rentrer, puis ils vont dire « Ah, elle n'est pas si mal. Fondamentalement, elle n'est pas si mal. Non, c'est pourri. » Quand c'est pourri, c'est pourri. Tu sais, ta patate, là. Ben beau l'éplucher, mais quand c'est mou, puis il n'y a pas de contenant, il n'y a plus de vitamines là-dedans. Tu peux faire du compost, au moins. Alors, il y a des radios qui font du... on peut pas les... Non. Les gens le savent bien. C'est pour ça que vous êtes sur CKRL, que vous êtes sur les radios alternatives. Pour vous rafraîchir le tympan. Et moi, j'ai un ami à vous présenter. Aussi rafraîchissant qu'une chanson. Il est même musicien. C'est un photographe de rue, un photographe de l'intime, un photographe, un capteur d'image. Même pas un chasseur parce qu'il est tellement libre. Allez voir ses photos. Laurent Demartini. Nous l'entendrons aussi la semaine prochaine. C'est la suite d'un bel entretien. Et lorsque je discutais avec mon alter ego, Laurent, j'entendais des chansons de Jean Leloup. Donc, pendant ces 2 semaines, nous nous meublerons les tympans avec la musicalité de Jean de Wolf, de Jean Leloup, pour le plus grand plaisir, j'espère. Les auditeurs et auditrices. C'est qui ça? Ben, c'est des gens qui nous disent « Oh, oh mes petits, ça va bien mes petits. » Ben, on l'a dit tout à fait, là. Ils vont très bien. Ils sont un peu déroutés. C'est normal parce qu'on ne met pas de panneau de circulation, on met rien, il n'y a pas de feu de circulation. Il n'y a rien, non. Ils peuvent déambuler où ils veulent. Et ce soir, vous avez encore cette chance incroyable. Et nous vous proposons, mon ami Laurent Demartini, frappez sur Google. Mais oui, si je frappe, je brise mon ordinateur. Je ne l'ai pas payé, là. Il y a un bon samaritain qui m'a dit « Oh, Rénal, je t'offre quelque chose. » Et j'ai jamais vu un petit ordinateur de même, moi, là. Ça fonctionne, je dois placer des loupes pour grandir l'écran. L'écran, c'est aussi gros qu'un tienne. Faut pas avoir des problèmes de cataracte. J'ai dit, est-ce qu'il m'aime ou s'il m'haït pour me donner un petit truc de même? Monsieur Ronfleur, de Chibougamau, il a envoyé ça par colis express. C'est sûr, ça n'a rien coûté. C'est léger. T'ouvres ça, t'essaies de brancher ça dans le... Ça peut... Branche pas dans le mur, c'est avec... c'est solaire. Aussi lumineux que Laurent Demartini, la preuve. Attention, elle arrive, la migale jaune. Ah! Ah! Migale jaune. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! sont-ils mes amis? Disparus depuis si longtemps déjà, dans la foire au canapé, au petit four et au champagne, dans la salle des châteaux en Espagne, des homards et des cocktails. Ah, regardez là-bas, c'est un tel. Je les entends rire aux éclats. Comme ils s'entendent de ta merveille, c'est une table sans pareille. Moi je ne sais plus, je ne sais pas. Les femmes brillent de clarté, toutes simples dans leur robe d'été. Elles sont discrètes mais piquantes, comme elles brillent au mois de mai. Et je reste derrière la porte, comme elles s'amusent mes amours mortes. Et je reste derrière la porte, comme elles s'amusent mes amours mortes. Je crois bien faire une dépression, c'est une drôle d'impression. J'aimerais tellement être comme avant, avant je m'amusais tellement. Maintenant je tremble juste à l'idée de faire une blague et pourtant je vous assure qu'elles sont bonnes. Mais dans ma tête elles résonnent et je ne trouve plus mes mots, tout sonne faux. Je n'ai plus confiance en moi, je ne sais pas. Comme elles s'amusent mes amours mortes et moi je reste derrière la porte. On attend que je reste ou que je sorte. Quelqu'un qui vient derrière la porte, quelqu'un qui vient me réconforte. Mais allons, ne reste pas là, planté comme ça. Mais je vois bien que la pitié est la plus forte. Et je reste derrière la porte, comme elles sont douces mes amours mortes. Et je reste derrière la porte, comme elles sont belles mes amours mortes. Un jour dans sa grande maison, un original pas normal décide de laisser la boisson pour étudier le monde animal. Il se fait un grand élevage d'escargots bleus et blancs sauvages. Il les nourrit et il les lave, il les nourrit et puis il bave. C'est le leveur d'escargots, le grand ami des animaux. C'est le leveur d'escargots, le grand ami des animaux. Mais voilà, ça reprolifère, ça se reproduit dans la serre. Ça copule et copule éphémère, ça copule et copule et ça sert. Voilà dans l'espace d'un mois, la maison remplie par trois fois d'escargots bleus et blancs sauvages. Ils ont commencé leur ravage et ils ont bavé sur les murs, ils ont bavé sur les tentures, ils ont englué la peinture, ils ont endommagé les tentures. C'est le leveur d'escargots, le grand ami des animaux. C'est le leveur d'escargots, le grand ami des animaux. Voilà, il arrive à la porte, il entend des bruits de chair morte, des frottements, des bruits de succion, des amours de colimaçon. Et voilà, il entr'ouvre la porte, mais c'est une erreur en quelque sorte. La horde des escargots hurlant lui déferle dessus gluant. Et il essaie de s'échapper, mais ils lui ont bouché les entrées. Et il essaie de respirer, il est mort, il est bien attrapé. La morale de ce conte animal, c'est qu'il faut faire le bien, pas le mal, sous peine de périr dans le feu, où toujours leur éprouver se meule. La gourmandise est un affront qui vous laissera le rouge au front. Mais seront punis d'asphyxie tout ce que la mort a ennuyé. C'est le leveur d'escargot, le grand ami des animaux. C'est le leveur d'escargot, le grand ami des animaux. Allez, là, les excuses, je te fais la bise. Pas de problème. Ça va? Ouais. Excellent. Mais peu importe, c'est pas grave, c'est pas vraiment grave le bâtard. J'ai pas, pour te dire la vérité, je t'avais envoyé, ouais, comment ça va se passer? Tu m'as pas répondu. J'ai oublié de l'enregistrer dans mon agenda. Okay. Et après, en fait, j'ai un travail, donc j'ai dû préparer mes affaires vite. Okay. Voilà, pour après partir bosser, quoi. Ici à Paris ou comment? En banlieue? Ici à Paris ou en banlieue? À Paris, ouais. Ok. Ouais. Alors là, tu as des projets actuellement, là. Tu as des projets. Oui. Juste vérifier mon micro. Et je suis content de te rencontrer, c'est gentil. Mais moi aussi, c'est quand même gentil d'avoir accepté. Et désolé de t'avoir fait patienter. Aucun problème. Ce qui est intéressant chez toi, Laurent, c'est que tu es autodidacte. Oui. Au départ. Oui, tout à fait, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a fait déclencher d'être pour devenir photographe, entre guillemets, presque bohème, au niveau économiquement parlant? C'est pas évident. Quand on décide de vouloir être artiste, il y a un prêt à payer. Et le prêt à payer, c'est d'être heureux, mais d'abandonner aussi peut-être un certain confort que la société nous oblige presque à prendre comme flambeau. Et, ça débute fort. Oui, ben oui. Ben oui. Ouais, mais on raison. Peut commencer. Tu es né à quel endroit? Je suis né à Paris, dans le 14e, 77. Là, j'ai fait toute ma scolarité à Paris, j'ai vécu à Paris. Mais il y a quelque chose qui est important dans mon éducation, c'est que mes parents sont corses et qu'en fait, j'avais un attrait, c'est-à-dire que petit enfant dans une ville, dans une grande ville, tous les 3 mois, je partais en fait vraiment dans une campagne et où ma grand-mère, par exemple, vivait au village tout au long de l'année. Ça, c'est des moments, plus la Corse, tout ce qu'il y a en Corse, c'est-à-dire la tradition, la terre, la transmission aussi. Et le passage, oui, je veux bien un allongé. Un allongé. Il va m'en falloir un allongé. Ouais. Comme ça, la fin. C'est clair. Ok, ouais, la Corse, c'est quoi? C'est toutes mes racines, en fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression d'être ça au quotidien, même dans ce que je recherche ici. Ce que je recherche ici aussi par rapport à la photo, c'est un effet de proximité. Tu dois savoir, je suis au 35 mm, donc je suis très proche des gens, en fait. Pellicule ou numérique? Non, numérique, mais avec une... J'aime l'image, oui. Tu vois, j'aime l'image. L'iconicité. J'aime la texture, j'aime la couleur, j'aime l'image en règle générale. Alors tu fais pas beaucoup de noir et blanc? Si, je fais beaucoup de noir et blanc, mais je pense que la couleur est plus difficile, le passage à la couleur est plus difficile. Moi j'ai besoin de très peu de couleurs, j'aime très peu aussi de couleurs, j'aime très peu de couleurs. Il y a le rouge, le jaune, le vert. Et donc, tu vois, d'arriver à créer en fait une série avec... là, je commence petit à petit à rentrer dans les couleurs et je vois comment les gens y réagissent. Mais c'est important de créer une œuvre, je trouve, qui se tient tant en noir et blanc qu'en couleur. Moi, je vois la vie en couleur et en noir et blanc, souvent très contrasté, il est vrai. Donc la texture et ce que j'apporte, c'est... Oui, c'est ça, ouais, pas mal de... C'est mon... Merci, madame. C'est mon cérébral. Okay. C'est l'état dans lequel je suis. Tu comprends ce que je veux oui, dire? Oui, ce que oui, j'apporte oui, dans la oui, photo, oui. C'est ça, oui. En fait. C'est... Est-ce que tu trafiques la réalité ou si tu rends compte de ce qu'il est vraiment... Est-ce que c'est vraiment une réalité? En tout cas, c'est une réalité transformée. C'est quand même ma mémoire. Donc moi, c'est ma mémoire. Je le prends comme ma mémoire. En fait, je photographie depuis que j'ai 12, 13 ans. Tous les jours. Mais avant, c'était pas numérique, c'était... Non, avant, c'était... C'était 35 mm. Alors, non, c'était les petits appareils. Oui, mais moi, j'ai pas commencé comme ça. Moi, la technique ne m'en parle pas. Et pourtant, je travaille en manuel, souvent à l'hyperfocal. J'ai énormément de techniques, mais ne m'en parle pas. Parce qu'en fait, tout ça... Mais tu travailles à l'ordi? Oui, après, Photoshop. Non. Pas Photoshop, non. Juste le... Tu sais, le Lightroom. En fait, je corrige rien sur la photo, j'enlève pas des éléments. Tu changes aucune couleur, tu recadres, après c'est tout. Alors, le recadrage, souvent on en parle, parce que souvent on dit oui, ils n'ont jamais recadré, mais souvent c'est con, mais moi ce qui m'importe c'est le sujet, d'accord? Ce qui m'importe c'est de mettre en valeur le sujet. Moi ce qui m'importe aussi, quand je fais 350 photos par jour, c'est de rentrer à la maison et de ne pas passer 15 heures à regarder les photos et à les choisir et à les recadrer, à les retoucher. C'est moi ce qui m'importe, c'est d'arriver de me dire que j'ai quasiment mon cadrage, quasiment ma couleur, quasiment mon noir et blanc et qu'au final je passe 1 minute 50 sur chaque photo pour en retirer sur les 300, en règle générale j'en mets 75 de côté. Tu vois, donc ça me fait 2-3 pellicules, 3-4 pellicules en fait, quoi, par jour, que je garde et que je stocke. Parce que ce que vous voyez, souvent il y a du temps réel, mais il y a aussi, j'ai 3 fois plus de choses que ce que je montre en fait. Je fais un choix après de montrer les... Moi c'est comme mes personnages, c'est comme des petites projections de moi. Et je fais rentrer mes acteurs au fur et à mesure dans mes séries. Je choisis mes personnages. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de vieux, et il y en aura encore plus. Des vieux aussi, des vieux, tu sais, des fois il y a des vieux français, des vieux parisiens, ah, oui, dans les oui. quartiers à Ménilmontant et tout. Et moi, il m'évoque, par exemple, mes vieux en Corse. Sauf que pour le coup, en Corse, ils étaient dans la nature, proches des éléments. Sauf que là, ils sont dans la ville, ces petits vieux, quoi. Je me dis, putain, mais il faut... c'est de la survie, quoi. Tu vois ? Donc, j'ai envie de les prendre en photo. Pour moi, c'est des héros. Les enfants, c'est des héros. Les femmes, je sais pas si tu as remarqué, il y a aussi beaucoup de femmes. Mais des femmes aussi dans la misère. Des femmes miséreuses aussi. Mais des femmes contemporaines, qu'on puisse dire, un peu dans le stéréotype. La femme contemporaine, attachée aux caisses, qui part au travail. Qui... La femme aussi stressée, nerveuse, qui a plus de temps à elle aussi. D'une certaine manière. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, comme je le disais, mais avant ça, de la Corse, tu as quitté, de ta Corse natale, tu as quitté ce lieu pour venir... Non, alors la Corse, en fait, jusqu'à l'âge de 21 ans, j'ai fait mes études à Paris, à Marseille. J'avais l'envie, le désir de retourner en Corse. Donc en fait, j'ai fait tout pour avoir juste... Il n'y avait qu'un DESS, tu vois, et qu'une dernière année d'études qui me plaisait. Et forcément, était en Corse. Donc, ah oui, il y a une école de photographie en Corse. Non, mes études, moi. Ah oui, j'ai oublié de te dire, je suis ingénieur et écologue à la base. Ok, d'accord. Mais ingénieur écologue, j'ai jamais été trop proche de la technique. Tu sais, c'est l'environnement, c'est le développement durable, c'est tout ce dont on parle aujourd'hui, mais qui ne se fait pas. Oui, mais voilà. Au Québec, c'est encore pire. On a mis un ghetto là-dessus. Ouais, c'est vrai. On appelle ça un ghetto. On fait sortir des étudiants des universités, mais on ne les place pas puisque le gouvernement ne veut pas investir là-dedans. Puisque je crois qu'il y a une certaine... c'est le fait de se tirer dans le pied parce qu'ils sont aussi responsables de ça. Ils ne veulent pas non plus mettre des ingénieurs ou des étudiants à remettre en question ce qu'eux ont commencé à détruire. Oui. Ah ben oui, c'est ça. C'est important, c'est intéressant. C'est toute une question de transmission et d'éducation sur les 35 dernières années, 50 dernières années. Mais est-ce que tu as abandonné ces études-là ou si tu... Non, j'ai terminé mes études, ces études-là. Oui, mais est-ce que tu en travailles ou tu as abandonné ça pour faire de la photo? Écoute, c'est qu'en fait, la vie a fait, d'accord? La vie a fait... j'étais musicien aussi à côté, donc j'ai un groupe de musique. Et donc, quand j'ai terminé mes études, j'ai travaillé à mon compte un peu en Corse, d'accord ? Et après, ce job s'est terminé. J'ai pris 2 ans de ma vie pour faire les 3 premiers albums que j'avais fait, voilà. Je les ai fait au village, chez moi, tranquille. Et le style musical, c'est... Oh, c'est du rock, mais chansons françaises plutôt à texte, quoi. C'est-à-dire, si on n'aime pas le texte, faut pas y aller, quoi. Okay. Si on attend des couplets-refrains, il faut pas y aller non plus. Si t'attends pour le coup, par contre, une espèce de litanie de mots qui revient inlassablement, qui te dit des choses et qui t'exprime, là, tu peux aller écouter. J'aimerais que ce soit très... J'ai déjà eu ça, c'est-à-dire que moi, quand je travaille en groupe, c'est différent, mais quand je travaille pour moi, ça reste souvent des éléments mélodiques en boucle qui reviennent. Ouais. J'aime bien le côté trans, oui, et c'est surtout... Exactement. Alain Bachung le faisait. Exactement, tout à fait. Ça, c'est... Il avait cette espèce de chose dans laquelle on rentrait. À la fin de sa vie, à fait. Et j'adore la fin de sa vie musicale, la fin de sa vie. Je trouve que c'est des libertés. Tu prends l'imprudence. Oui. C'est le sommet, c'est vraiment le disque francophone le plus dingue, quoi, qu'on peut pas musicalement. Ah non, on peut pas le remettre en question. C'est un vraiment monument. C'est à part de tout. Ça me fait plaisir. Non, mais écoute, moi je suis un amoureux. J'ai rencontré les deux grands piliers de Alain Bachung, les deux écrivains, les deux. Jean Fauque et Boris Bergman. Il y a trois jours, Boris Bergman. Jean Fauque, il y a une année. D'accord, ok. Des soldats morts dans le sable. Oh, milady, I hope you know what I see from this side of the sea. Quoi. dame, nous sommes en guerre. Sinon je ne comprends guère. Alors donc pourquoi c'est faire que personne n'est au courant? Oh, milady, serait-ce qu'il manque de matière? Oh, milady, est-ce un pays, un continent? Quoi, des corbeaux, c'est pas de nos affaires, nous on est Iroquois. Oh pardon, chère milady, j'ai montré à vos petits des images du désert, de quelques morts en enfer. Car les têtes dans le sable sont parfois plus douloureuses que celles des autruches chanceuses, des grèves aux irrodérables. Oh milady, I hope you know what I see from this side of the sea. Drapeau bas, milady, drapeau bas, pour le jeune soldat Iroquois mort pour le Haut-Canada. Portez la croix, etc. Drapeau bas. Drapeau bas, milady, pour toutes ces vies devant soi qui fuient au vent comme un voilier doit, tandis qu'on ne parle même plus de ça dans les pays froids. C'est pas de nos affaires, ces histoires-là, nous on est Iroquois. Quoi, disent les corbeaux, quoi. Oh, milady, j'ai montré à vos petits des images du désert, de quelques morts en enfer. Bien tranquille, la nuit est d'ébène. Dans une vitrine, blanc comme l'héroïne, un Bouddha d'ivoire, $5,000 chez l'antiquaire. Et c'est bien trop cher. Je veux pas qu'on prenne pour un con, même si je dois. Personne à gauche, y a personne à droite, personne peut me voir, je commence à y croire. La ruelle arrière est abandonnée, je pense à ma mère, bien vite oubliée, chez l'antiquaire. Hey. Dans la poussière, je veux pas qu'on me prenne pour un con, même si je dois. Pas d'auto, à part le camion qui est tout bousillé. Je vais à la porte, je sonne et ressonne. La maison est morte, ça va, y'a personne chez l'antiquaire. Putain de sa mère, je veux pas qu'on prenne pour un con, même si je dois aller en prison. Chez moi, prendre mon sac à dos. Y en aura peut-être plus, y en aura peut-être trop. J'y vais, je casse tout, la vitrine arrière, le Bouddha d'ivoire, $5,000 chez l'antiquaire. Hey, hey, hey. Suis-je vandale? Je veux pas qu'on prenne pour un con, même si je dois aller en prison. Je veux pas être pauvre, non, je veux pas aller en prison. Et donc, et j'ai rencontré des musiciens. Daniel Bachung, Yann Péchin. Yann Péchin que je rencontre au Charbon régulièrement, que j'ai rencontré la première fois à Montréal, mais moi qui habite Québec, je suis allé voir Alain Bachung à carte. On lui a offert une carte blanche. Il a fait venir Christophe. Attends, parce que Christophe, pour moi, c'est le deuxième grand. Oui. Enfin, et surtout. Mais il l'ignore. Comment je veux dire ? C'est aujourd'hui le premier grand. Ils étaient aux deux, pour moi, les deux au sommet. Mais Christophe, pour moi, je suis fan. Hein. J'ai repris les mots bleus et tout. Je suis absolument fan de Christophe. La période, toute sa fin, là, ces 10 dernières années. Et son dernier opus, et extraordinaire, qui est sorti il y a. Mais depuis Aimer ce que nous sommes, même un peu avant. Mais moi, je l'ai vu en concert plein de fois. Hein. Et pour moi, c'est le dernier grand titan, quoi. Et les gens ne se rendent pas compte qu'aussi que sa voix n'a pas bougé et que quand tu vas le voir aussi en concert, c'est quelqu'un quand même qui te fait 3 heures de concert. C'est un peu ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ils avaient la notion du show, du spectacle vivant qui durait. Jacques Higelin, 3h30, 4h, 5h de spectacle. C'est beau ça. On part, hein? On sait pas quand on finit. C'est beau ça, c'est clair. Ouais, c'est beau quoi. Et toi, est-ce que les disques sont disponibles si je veux les diffuser? Oui, sur Bandcamp, tu en trouves. Okay. Et alors, tu vas m'envoyer des liens? Oui, je vais t'envoyer des liens. Et en plus, je vais même te dire autre chose. C'est que... Franchement, je suis content de te rencontrer. Ben moi aussi. Ouais. Ben moi aussi. Ouais, ça fait plaisir. Non, mais je suis content de la personne je rencontre. Parce que ben écoute, on peut avoir des similitudes dans différents pays. Ça fait plaisir, je me sens à l'aise. Ben tu sais, c'est pas toujours simple quand tu vas rencontrer quelqu'un. On brise la barrière rapidement, il faut arriver directement. Bien sûr, mais tout le monde, c'est fluide. Ben oui, ben oui. Ça fait plaisir. Ben oui, ben oui. Je t'explique, quand j'ai terminé mes études et que j'ai travaillé à mon compte, après j'ai tout arrêté, je suis monté à Paris et j'ai commencé à faire des concerts. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a proposé le Divan du Monde, on m'a proposé des le Divan du Monde, c'était ma première scène parisienne. Ma toute première scène tout court, la toute première fois que je suis monté sur scène, c'est sur le Divan du Monde. Donc tu vois, on nous a proposé ce genre de choses-là parce que je pense que la musique, d'une certaine manière, les mots, le côté viscéral un peu habité, qui est à mon sens proche de ce qu'est la chanson française aussi, parce qu'elle vient de Barbara, de Ferret, d'Edith Piaf, de gens qui, putain, qui gueulaient, de Brel, de Brassens d'une certaine manière, même si moi, pour le coup, je t'avoue, et Gainsbourg aussi, bien sûr, il y en a plein, oui, Barbara, oui. Marie Laforêt, après, si tu peux tomber dans plein de gens, de La Pointe, on peut en trouver un milliard, Catherine Ribeiro, oui. Magnifique, Catherine dans Ribeiro, dans les Alpes, hein, ses albums sur les Alpes, c'est merveilleux, quoi. Tu vois, toute cette chanson-là, ben moi... Mais oublié, hein, ben, oublié. Moi, j'aimerais vraiment... Sauf que notre radio les diffuse encore. Oui, la vôtre, là-bas. Une radio associative. Ça m'étonne qui est la première radio associative francophone au monde. Les Carbone 14, les La Fesse, ben, c'est nous qui avons amené la radio libertaire ici. D'accord, OK. Hein, on est la première radio associative francophone au monde. Une radio que j'écoutais, moi, mais quand j'étais tout petit. Ben oui, Carbone 14. Ben oui, Carbone 14. On a fait des trucs de fou. Ben oui, Supernana. Supernana, elle était qui diffusait en direct à la locomotive. Est-ce que tu te souviens de la locomotive? Je me souviens pas de tout, mais je me souviens de trucs. La liberté, la liberté. La liberté d'expression. C'est quand elle est libre, quoi. Est libre. C'est une radio libre. Mais ça, tu vois, ça me plaît, ça me touche. Ben oui, ben oui. Mais c'est ça, c'est d'aller chercher des gens qui ont des choses à dire. Moins cloisonnés que la majorité, plus ouverts, en dehors de tous les lourdes... les murs que la société apporte. Il faut transgresser les murs. Comme disait Jim Morrison, il faut transgresser, il faut aller plus loin, pour que la création se... On est quand même d'accord de quelque chose. Il y a un souci. Il y a un souci dans ce qu'on vit. Il y a des régressions à tous les niveaux. On est dans la régression. On est dans la régression. C'est un fait, quoi. Et franchement, tu entends, toi, beaucoup de voix qui se soulèvent. Et dans quel monde? Parce qu'après, tu as le monde politique, tu as le monde culturel. Tu entends des voix qui se lèvent, toi, toi. Après, dans votre pays, comment ça se passe? J'ai l'impression qu'il y a plus de liberté, plus de choses qui sont dites. Plus... Ici, on l'a mis. Oh, il y a un souci. Mais ici. C'est mondial. C'est mondial. En fait, on met en boîte des artistes. On veut un son, on veut l'image, on veut du Big Mac, on veut pas d'extravagance, on veut aucun marginaux parce que ça remet des choses en question, les marginaux. On n'en veut pas. On veut être dans un conformisme, on veut. Et pourtant, la société économique ne fait que créer des marginaux. Oui, j'en suis un aujourd'hui, si on le prend, alors que pour le coup, j'ai rien de ça. Je suis là devant toi, je parle, j'ai une vision, enfin voilà. J'en suis un, t'en deviens un, quoi. Parce qu'au final, bon, après, dans les métiers artistiques, c'est encore pire. Mais les photos, qu'est-ce qui t'amène? Lorsque tu fais des photos, ça t'amène quoi? Moi, les photos, à la base, c'est ma mémoire. Ouais, okay. C'est-à-dire, d'accord, je les prenais pour moi. Ensuite, ce qui s'est passé, on a fait de la musique. J'ai compris que la photo, tout simplement, était un très bon rapport pour moi, un très bon... Un moteur. Pour pouvoir transmettre un peu de mes métaphores musicales, on va dire. Donc moi, je pense que je viens de la photo de l'intime. Elle est pour moi. C'est ma vie au final. C'est compter ma vie. Sauf qu'après, forcément, quand je suis au village pendant 2 ans, je photographie souvent moi. Je photographie souvent des petits matins, je photographie des paysages. Quand tu vis à Paris et que tu es tout le temps à Paris, moi, quand je sors jamais faire de la photo, je sors vivre ma vie. L'appareil photo m'accompagne. J'ai eu peur de le perdre. C'est pas ça un Nikon? Hein? Un Canon, un Nikon? Non, c'est un Fujifilm. Ok. Ouais, je travaille avec Fujifilm. Okay. Je pense que... je travaille avec Fujifilm, c'est un petit appareil, tu vois, avec lequel je peux travailler, qui ressemble à un ancien. Il est tout en manuel. Et moi, j'adore parce que je contrôle tout et j'aime beaucoup l'image. Et surtout, j'aime beaucoup aussi les couleurs. Moi, moins de temps je passe devant l'ordinateur à travailler mes photos, plus c'est réussi. Parce que tu pratiques absolument rien. Donc, c'est déjà mis en bois. Donc... Non, je te dis, c'est ce que font... Tu sais, quand tu vas voir les planches contact des grands photographes, tu te rends compte que souvent, ils prennent la planche contact, ils ont fait 4-5 photos de la même personne dans la rue, par exemple. Quoi. Et ils vont dire, tiens, je garde celle-là. Et ils vont dire, tu vois, tu me contrastes un peu derrière, là, tu m'éclaircis peut-être. C'est ça, quand on travaille ça. Pourquoi? Pour mettre le sujet en valeur aussi, quoi, tout simplement, dans un élément qui est au final urbain. Donc, après, pourquoi j'en suis passé à la photo de rue? C'est que moi, je photographiais la rue. Comment t'expliquer? Au tout début, quand je prenais la photo, au tout début dans ma vie, au tout début, c'était pour pas m'ennuyer. À 13-14 ans, je m'ennuyais. Je prenais la photo. Après, j'avais des petits appareils photo numériques, mais de merde, quoi. J'avais tout le temps. Ouais, parce que je prenais des photos. Ouais. Voilà. Souvent, je disais à mes potes, ils me disaient, putain, mais lâche-le cet appareil photo. En rigolant, je leur disais, mes potes, mon frère, ma famille, mais c'est parce que je m'ennuie, en fait, d'accord? Donc, j'avais besoin de combler en plus. On peut très bien écouter en même temps, voir quelque chose de beau et cliquer, quoi. Je veux dire, cliquer, c'est pas très compliqué, hein, d'appuyer sur un truc, quoi. Et donc, j'ai commencé à faire ça et je l'ai fait tout le temps. Donc, on partait en week-end avec mon frère. J'ai peu voyagé, mais genre, on partait en week-end avec mon frère pendant 48 heures et il y avait 48 heures de photos. Bon, voilà, c'était de la street photographie, mais moi, je le savais pas, je m'en foutais, c'était pour moi, quoi. Sauf qu'après, la musique, j'ai eu une grave opération rénale, d'accord? Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Quand je suis arrivé ici, j'ai pris un job alimentaire, j'ai fait de la musique, et la musique commençait à bien fonctionner. Je me suis dit, il faut que je donne plus de temps à la musique, et il faut que j'arrête mon travail. D'accord ? Sauf qu'entre-temps, on m'a décelé une tumeur au cerveau. Donc j'ai vécu 1 an et demi avec cette tumeur. Cette tumeur a grossi, et au bout d'un an et demi, il fallait absolument l'opérer, parce que sinon, soit je perdais la parole, tu peux te l'imaginer, ça aurait été un peu con. Ça m'aurait fait chier de perdre la parole. Oui. Et donc, il fallait opérer vite. Okay. Et donc, pour le coup, je me suis fait opérer. Et on m'avait dit, tu vas être comme un petit vieux après. Mais moi, c'est pas mon état d'esprit, tu vois. Moi, je suis un esprit d'esprit, je suis à fond, quoi. Un, tu vois, j'ai... un bâtard. Oui, j'ai... Bâtard. Puis j'ai 10 000 énergies, j'ai été éduqué comme ça aussi, quoi. Bah, encore, mais... on est un peu comme ça aussi. Et mes grands-parents, pour moi, c'est déjà, c'est des résistants et c'est surtout des forces de la nature, quoi, des forces mentales qui m'ont transmis quelque chose que j'aimerais transmettre moi aussi, quoi. Je sais que je ne t'attendrai jamais, je sais que tu le sais. Je sais que tu ne m'attendras jamais, je sais que je le sais. I and I, Rastafari, Rude Boy, I, Banzai, je t'attendrai toujours sur le point de non-retour. Et mon âme divague et fait d'immenses vagues. La lune est une aspirine et je vois la croix du sud et la croix Bayeux. Savoir se parler toujours les yeux dans les yeux. Trop souvent on déblatère sans que l'âme jamais ne se désaltère. Serais-je trop porté au rêve? Serait-ce la raison pourquoi je tombais dans le psychotrope où les chevaux rouges galopent jusqu'au cyclope? Et clope et clope, voilà comment finissent les petits chevaux rouges qui galopent en escalope, arrosés d'un grand verre de misanthrope. Où sont mes claves? Les avions et les acquis qui tournent dans les airs. les langues de vipères. Et la vallée de l'ambition est peuplée de trahison. Fais attention à toi mon hasard, lui dit-il un jour trop tard. Elle fut surprise, la poudre aux fesses. Sweet baby, vive la jeunesse. À quoi bon être enfermés tous les deux, de dire sans façon l'amour. Il se fit emmener sans un mais, jamais elle n'oubliera ce mois de mai. Il attendit derrière les barreaux, le cœur fidèle, le cœur gros. Elle viendra, il le sait tôt ou tard. Si elle ne vient pas, c'est qu'il fait trop noir. Les amoureux qui sont en prison n'ont pas le temps d'être d'Asillon. Et la vallée des réputations, la vallée des petites maisons. Et puis un jour enfin il sortit, il la salue, elle lui sourit. Je n'ai pas toujours été fidèle, mais je le serai à présent, dit-elle. Regardez-les comme ils sont beaux, ils se servent fort, ils se servent trop. Jour et nuit l'un sur l'autre ils veillent, ce sont les fiancés du soleil. Les amoureux sortent de prison, n'ont pas le temps d'être tatillons. Et en taxi ils regagneront la vallée des réputations. Et en taxi ils s'embrasseront. Fais attention petite fleur, il faut savoir retenir ses pleurs. Bonheur trop souvent ressemble au malheur, comme deux balles en plein cœur. Et qui va être en... qui est aussi difficile à transmettre aujourd'hui à notre génération, oui, qu'à leur, oui, génération. Oui, oui, oui, oui. Encore plus difficile parce que la société, elle devient dure et elle est encore plus dure. Elle est sclérosée. Oui. On peut pas changer grand-chose, sauf non. Que c'est à travers l'art aussi qu'on oui, peut... Oui, ça, mais ça j'y crois. Ah oui, ben aussi. Ah oui. Ben oui, l'art et surtout la culture revisiter autrement, redonner un autre... Une autre vision. Oui, une vision ou un autre regard, ou tiens, autre chose est possible, ou tiens, tu sais, quand j'ai commencé la série sur le métro, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais dans le métro ? D'accord ? J'ai travaillé pendant un an dans le métro. Pourquoi ? Parce que moi, quand je suis arrivé de Corse, d'accord ? Quand je rentrais dans le métro, j'arrivais pas à faire un trajet entièrement parce que j'avais des crises de tachycardie. Okay, j'avais l'impression que le monde allait trop vite. Okay. Et je me suis rendu compte que je m'étais tellement déconnecté de la société mouvante, urbaine, tu vois, avec un timing, quoi. Oh, quelque chose de dingue, quoi, tu vois. L'action, la folie. Les gens, ils marchent à bloc. Tu vois, quoi. Eh bien, je faisais des crises de tachycardie. Et à un moment donné, donc j'avais trouvé une astuce, c'est que j'avais un petit bout de truc que je touchais comme ça, tu vois. Et puis un jour, j'ai pris l'appareil photo, je l'ai amené, j'ai commencé à faire une photo. Et je me suis rendu compte, quand je prends la photo, je suis tout le temps... Alors, c'est assez marrant, je suis tout le temps très concentré. Et en même temps, je suis très félin dans le corps. Dans le sens où il n'y a aucune tension. En règle générale, tu vois, j'avance et voilà, je suis très mouvant. C'est très rare qu'on m'arrête, c'est très rare qu'on me dise quelque chose. Et pourtant, des fois, je m'approche rarement. Je pense qu'il y a plusieurs... Mais tu rentres en transe quand tu prends ta photo, tu rentres dans un même univers. Franchement, c'est... Tu vois, je peux oublier de sortir à une station. Totalement. Par la création que tu proposes et que tu essaies de forger, de prendre. Et quand même beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de te dire, en fait, mon travail, il a toujours été régi par l'instinct. Quand j'écris, en règle générale, tout ce que j'ai écrit depuis aujourd'hui, c'est quasiment de l'écriture automatique. Ah, c'est bien ça. D'accord. Après, je dis, quelque chose, c'est que le premier jet est toujours conservé. Sauf qu'ensuite, comme ça reste une transe, souvent j'écris en musique, sur la musique classique. Et quand j'y reviens, en fait, c'est un peu une notion de cut-up, de, tu vois, c'est que je rajoute, je densifie le propos, je densifie les images, je densifie. Et au final, il y a une espèce de long amas textuel que moi j'appelle vraiment comme une transe. Mais tu vois, il y a eu des gens comme ça, il y a eu des Ginsburg, tu vois, il y a eu des feuilles d'herbe, comment c'est déjà. Mais ils font aussi un travail de... Tu sais, on demande aux artistes de nous donner une autre version d'une réalité, OK? On leur demande de ne pas être comme la majorité, c'est-à-dire de vivre un quotidien, mais de s'extirper et d'amener leur monde à la majorité qui, eux, sont pris dans un environnement normalement, cloisonné. Cloisonné, bon. Ouais, c'est ça. Donc, on demande à certains artistes de transgresser tout ça à travers des multiples façons. Ça peut être, la réflexion, ça peut être à travers une recherche intellectuelle, ça peut être aussi à travers des drogues, à travers de prendre le temps de s'accaparer un univers pour le proposer à d'autres, un peu comme un peintre qui crache sur la toile. Cracher, c'est un peu ça, hein, c'est le mot. Oui, en fait, oh oui, hein, oh oui, oh oui. C'est clair, quoi. Il y a un grand peintre français qui, sur les chansons de Léo Ferré, fait des toiles de Léo Ferré pendant que ça joue. Je ne me souviens plus de son nom. Et c'est des fresques qu'il prend, il prend les gros pinceaux et il jette ça sur la toile. Ah, c'est magnifique! Et les Foufounes électriques, qui est un bar à Montréal, s'alimentent un peu de cet environnement-là. C'est-à-dire qu'on fait jouer de la musique avec des musiciens en direct et on fait des toiles le soir avec des lumières, et ça devient tout à fait psychédélique. Et ça donne une double création musicale. Et picturale. Ah, c'est magnifique. Donc, ça fait quelque chose. Mon frère qui a passé sa dernière année d'études à Montréal, je pense qu'il m'en a parlé en plus. Il m'a dit, mais c'est vivant. Tu sais, comme c'est vivant. C'est... Je pense que c'est... S'il me l'a dit de cette manière-là, c'est qu'il a dû sentir la puissance de Gautier. Ouais. Et puis moi, il y a plein de groupes, je t'explique, musicalement. Oui, milliard tout de commence à Montréal. Il y a Jean Leloup que tu connais peut-être. Oui, oui, connu. Bon, ben voilà, mais tu es connu uniquement pour 2-3 chansons. Oui, mais, oui, oui. Mais si tu te raccroches à son œuvre, il vient de faire un album, c'est extraordinaire. Il peut autant viser dans le minimalisme un peu comme Catherine, Philippe Catherine. Oui, oui. Ou il peut faire du gros rock comme studio de Philippe Catherine. Il est, et puis ce gars-là est constamment en transe. Et lorsque l'on invite cet individu-là à la télé, on ne veut plus le voir en transe. On veut voir Monsieur Tout-le-Monde, Monsieur Normal, nous raconter son œuvre. Mais c'est pas ça. C'est un type c'est un extraterrestre. Et il faut arrêter de demander à nos artistes d'être comme tout le monde. On ne les veut pas comme tout le monde. On veut qu'ils nous amènent quelque chose d'autre que ce qu'on entend à travers de la merde, comme Céline Dion, Laura Fabian et toutes ces merdes-là. On ne veut pas ça. On veut évoluer. Donc, eux n'ont plus évolué. C'est du Big Mac, c'est de la consommation. Big Mac. Ah oui, c'est de la consommation. Mais donc, tu vois, dans ce style... Ben, tiens, pour rebondir là-dessus, parce que tu m'en donnes l'opportunité, c'est plutôt rare. Tu vois, par exemple, musicalement, j'ai compris il y a 5 ans, d'accord, que ce que j'avais envie de faire musicalement, c'est pas ça qui me ferait vivre. D'accord. Mais ça veut pas dire intrinsèquement que j'avais décidé d'arrêter la musique. Non, j'ai continué à travailler. Donc pendant 4-5 ans, là, j'ai rien montré, mais j'ai continué à travailler. Donc là, ce qui va sortir l'année prochaine, ça va être tout totalement indépendant. Tu peux être sûr que tout sortira de ma tête. Okay. Et j'en ai besoin. Dans le sens où je me dis, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Par contre, je suis là pour proposer quelque chose aux gens qui me suivent depuis très très longtemps. Voilà. Quelque chose qui dit des choses sur moi et qui dit des choses sur la manière dont je vois. Et tu dis souvent, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans la musique. Beaucoup, vraiment. Parce que j'ai eu des retours humains. Moi qui suis très... ouvert et qui est la plaie à vif, j'ai eu des retours de gens à des endroits alors que je pensais que j'étais dans une intimité qui m'était propre. Mais j'ai toujours pensé que si j'exprimais mon intimité d'une certaine manière, c'est-à-dire avec des métaphores un peu de l'irréel, et les gens s'y retrouveraient. Ah oui. Tu vois, ah et oui. Au final, j'ai eu des retours, mais tu sais quoi, qui, au moment où je n'avais plus de musicien, au moment où je ne faisais plus de musique, au moment où je ne chantais plus, au moment où je n'écrivais plus, je repensais à ça et je me disais, tu vois, ces gens-là, ils sont venus s'ouvrir à toi, c'est-à-dire, ça leur a donné envie de... Et ils t'ont dit des choses, mais fortes, qui t'ont porté, quelque chose que je ne vais pas te dire là, mais qui m'ont vraiment transporté. Eh bien, tu vois, j'ai envie de leur proposer à l'avenir quelque chose, je sais qu'ils sauront. Mon délire est donc de proposer maintenant, toujours en passant par des trucs style Bandcamp, tu vois, des choses comme ça, de la musique quasiment tous les 3 mois. D'accord ? Mais attention, pas de la musique commerciale tous les 3 mois. Hein. Oui, voilà. Des performances et des autres. Le mot performance. Et moi, j'adore le mot performance. Tu sais, la plupart des chansons que j'ai faites, soit tout seul, soit avec des musiciens, je veux dire, je peux le dire sans souci. Même s'ils entendent, même si je ne les vois plus depuis des mois ou des mois, ils sont toujours là, carrément. Ils le savent, ils le savent. La plupart des choses viennent sur l'instant, l'instinctivité et l'impro. J'ai fait, je veux dire, soyons honnêtes, il n'y a pas d'art sans accident. Et les accidents sans prise de risque, sans mouvement, et au final, voilà, dans l'urgence en fait. Exactement. Il n'y a que ça qui fonctionne. C'est ça la vie aussi, c'est l'urgence. C'est l'urgence. Nous sommes là, demain peut-être pas, donc il faut être présent maintenant et proposer des choses, proposer. Et comme disait Bachon, qui même me suivent, et à travers les métaphores, toi qui as voulu dire quelque chose, ben les gens vont interpréter autre chose. C'est ça la force de la métaphore. Mais c'est ça, c'est de ne pas endormir le mot, c'est de l'amener sur plusieurs espaces, sur plusieurs dimensions, parce qu'il n'y a pas juste une dimension. Regarde, je te donne un exemple. Alors pour ça, j'ai 10 questions, tu vas voir, c'est intéressant. Je te donne un exemple de fou. Les oiseaux chantonnaient dans la jungle maudite. Nous marchions déjà depuis 3 jours et 3 nuits. Dans le silence épais, protégé des lianes, nos pas nous suivaient et moi je la précédais. Encore une fois, dit-elle, quand le soleil tombait, redis-moi comment, quel endroit nous irons, nous allons au dôme. Et là où nous allons, ne se trouve que des gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt, et on dit qu'il éclaire à des mille à la ronde, à des mille à la ronde. Les oiseaux chantonnaient dans la jungle maudite. Nous marchions lentement vers le dôme au sans nom. Elle suivait patiemment le chemin mal dessiné. Et le soir se couchait et elle recommençait. Dis-moi, tous ces gens qui construisirent le dôme, pourquoi n'arrivèrent-ils qu'à cette seule solution? La question était bonne, alors je réfléchis, référant aux échos mille fois entendus. Il y a 20 ans, je crois, naquit le premier fou, puis plus tard eut lieu l'épidémie. Chaque ville posséda 2 ou 3 de ces fous, mais personne au début ne savait qu'ils étaient fous. Ils n'étaient anormaux que de par la faculté qu'ils avaient de ne jamais être intéressés plus longtemps qu'une minute à quoi que ce soit. Quelques-uns se tuèrent et les autres comprirent qu'il fallait rechercher un endroit où aller. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme au sans nom. Et on dit qu'il éclaire à 2000 à la ronde, à 2000 à la ronde, à la ronde, à 2000 à la ronde. Et pendant que nous marchions vers la mort certaine, je commençais à croire à la fable du dôme. Quand un jour au lever, je fus saisi d'angoisse, une sorte de vertige.

épuisé d'un manoir inconnu, tu vois le ciel se lever. Like a butterfly, fly. Toi qui n'as jamais vu ce que c'est que d'être un rat de gouttière ou un chat, viens me voir et tu verras comme c'est beau quand le matin épuisé de manoir inconnu, tu vois le ciel se lever. Je ne suis qu'un vampire, comme j'aimerais être pire, comme j'aime la nuit, me rouler dans l'infamie. Je ne suis qu'un vampire, comme j'aimerais être pire, je ne suis qu'un vampire. Par exemple, je me suis rarement testé sur un texte. Je trouve qu'aujourd'hui, rentrer dans un texte politique, d'accord, souvent les gens se cassent la gueule. D'accord ? Pourquoi ? Je vais te dire pourquoi, ce que je pense intrinsèquement. C'est que aujourd'hui, tu peux être malheureux d'une politique, d'accord ? Vouloir faire la révolution. Mais soyons honnêtes, il faut le sentir dans ton corps. Soit il faut avoir faim. Soit il faut pouvoir ne pas se soigner, soit faut pouvoir, enfin, faut être dans la peur d'un lendemain constant. Vouloir faire la révolution, ça part de là, d'accord ? Déjà. Après, on peut dire que ça part de là. Mais s'il n'y a pas autant de gens qui sont touchés ici, qui peuvent le comprendre, parce que c'est bien quand ça part de là, mais il faut que les gens puissent l'entendre. On va dire à la radio, quand c'est cérébral, c'est... J'adore ce mot-là. Ouais. Tu vois ? Il a été tellement fois galvaudé, moi, je trouve. Mais cérébral, moi, c'est un mot que j'aime et que je veux employer. Quoi. Ouais. On peut être dans le cérébral, mais le cérébral... Et il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne des entrailles. Il faut que ça touche, quoi. Après, on ne peut pas demander une révolution quand tu vois que les gens... qui vont se réunissent une fois quand il y a un gros drame, d'accord ? Mais après, la ville, elle ne fonctionne pas comme ça. L'après Charlie, il c'est exactement le même que l'avant Charlie. Tu comprends ce que je veux dire ? Rien n'a changé dans le quotidien. Il y a eu un chaos momentané, puis après ça, c'est comme revenu à la normale. Oui, mais on veut te faire... Par tout ça aussi, on essaye de te montrer qu'il y a une prise de conscience. Mais une prise de conscience de rien. La prise de conscience, c'est les médias qui tentent de nous faire. Les médias. La prise de conscience, elle est fuckée parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une éducation de l'histoire d'un mouvement. C'est une éducation fuckée sur les 20 dernières années. Donc, de part et d'autre, quoi. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, il y a beaucoup de racisme en France. Ah oui, partout, pas juste en France. Pas juste en France, mais en France. Il monte aussi et partout, tu le vois. Dans tous les pays d'Europe, ça fait flipper, quoi. Ça fait flipper. Je veux dire, il faut... J'arrive pas à comprendre comment on fait trois pas en arrière. Comment on ne peut pas voir cette situation et ne pas pouvoir la prévenir ? Et on ne fait rien. pour la prévenir. Tu vois, ouais. C'est un... Mais il y a un grave problème. Ça doit couvrir quelques hauts placés. S'il n'y a aucun changement, c'est que ça doit convenir à certains hauts placés. Il y a des choses qui se passent. Je vais te dire, il y a trop de gens qui sont sur leur perchoir, ah oui. D'accord, et qui ne vivent qui pas, manipulent aussi le qui, peuple, et ouais. qui manipulent d'une certaine manière, et qui surtout ne voient pas ce qui se passe au quotidien. Ah non, ils sont dans leur tour. Donc, il suffit de descendre dans la rue. Moi, j'ai envie de les prendre par les cheveux, de les descendre dans la rue, de les descendre dans le métro, de les voir faire 15 pas depuis 6 mois. Maintenant, quand tu marches dans la ville, tu vois, tu te rends bien compte, il y a des familles de migrants, d'accord ? Des familles, des enfants, des familles avec 3-4 enfants. Ils sont beaux, il y en a, ils sont beaux. J'ai vu des femmes belles, des hommes beaux, ils sont là et il y en a de quelque chose à dire, mais il y en a de plus en plus, d'accord. Ça veut bien dire que c'est des familles entières, c'est des cocons familiales, quoi. Il y a un souci, quoi. C'est une micro-société. D'accord. Moi, j'en montre pas autant que j'en prends en photo, mais je peux te dire que sur les 9 derniers mois, il y en a de plus en plus. Et c'est pas des gens isolés, c'est vraiment des cocons familiaux. C'est des gens qui ont fait des kilomètres de survie en disant qu'ils allaient mourir et qu'ils sont arrivés là, quoi. Croyant que c'est peut-être le paradis sur Terre, mais ailleurs. C'est les héros de notre temps. Dans, oui, ils sont, oui, dans la rue, quoi. Alors je veux bien après que les gens, tu vois, après en haut lieu, on joue sur les peurs, sur les trucs, mais quand non, il mais est dans la rue, fait contrôler le peuple, hein, la peur contrôle c'est le peuple. C'est un truc de fou. Ah, j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous amener. Vas-y. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. Liquide. Oh, la question de fou. Franchement, du sang. Du vin. Du sang. Du sang. Ok. Ouais. Tu as un côté Dracula. Du sang, parce que franchement, tu sais quoi, ça bouillonne trop. Oui, ben oui, c'est que tu es un volcan, tu es un volcan. Si tu étais une ville. Une ville. Je pense que je serais une ville oubliée. Ok. Je pense que la ville telle que moi je me l'imaginerais, non, elle serait pas comme ça. Starmania, peut-être. Tu sais, je pense que je me rends compte. Alors, je pars toujours de choses très intimes pour essayer de faire ma petite étude, tu vois, sociologique. J'habite au rez-de-chaussée à Paris, d'accord, dans le 20e, juste derrière le Père-Lachaise. Près du boulevard Mortier. Près du boulevard Mortier. Ben, derrière, je passe à droite. Je sais à pas. Gauche, okay. La vérité, je okay. sais pas. Mais vraiment, en haut du Père Lachaise, quand tu, c'est l'entrée du haut, tu vois. Ouais, à côté, il y a le boulevard ici. Et donc, j'ai ma chatte, d'accord, qui était déjà sauvage avant que je la connaisse et qui est encore sauvage. Oh, elle a 7 ans maintenant. Ah, elle ouais, commence okay. un peu à. Elle prend voilà, du galant. Elle prend des galants, la chatte, c'est clair. Mais elle s'adoucit aussi parce que tu sais, ben oui. Les chats, c'est beau parce que ça me fait. C'est indépendant. Oh, tu sais quoi, ça me fait penser un peu à ce qu'on doit donner à la femme. Je vais te dire toute ma pensée. La femme dans sa complexité, d'accord. Le chat, j'ai remarqué quelque chose. Donc déjà, c'est un félin. Et plus. Déjà, il faut apprendre à lui donner. Il faut apprendre à lui donner. Ensuite, quand tu lui donnes, il faut lui donner d'une certaine manière et sur un temps assez long pour qu'il sente le rite et la possible chose, la confiance s'installer. Non, mais aussi, tu te dois, comment dire, là, comme disait le Saint-Exupéry, apprivoiser. Et ensuite, le chat se donne petit à petit, oui. Tu vois. Et donc moi, j'ai senti petit à petit le chat me donner. Et je me suis rendu compte qu'avant qu'il me donne, moi, je lui avais donné énormément. Et que petit à petit, il me donnait. Et après, le chat aussi, ce qui est beau, c'est que rien n'est jamais acquis. parce que, qu'on le veuille ou non, Reynald, et je pense que tu es d'accord avec moi, on reste des putains d'animaux. Ah oui, oui. D'accord. À la base, on est des animaux. On est des putains d'animaux. Et ça, on semble oublier. Mais nous sommes des animaux, comme disait le grand Vercors, dénaturés. Contrairement que, si tu compares aux animaux que l'on connaît, les animaux que l'on adopte, qui, eux, sont encore un peu enracinés dans ce côté primaire. Oui. Nous, on est dénaturés. Mm-hmm. Et de plus en plus, on essaie de couper nos liens avec ce qui est fondamental, les racines. Eh bien donc, pourquoi je parlais de ma chatte? Parce que elle a donc un petit rebord, assez grand, d'1,50 m, tu vois, sur 3 m, ou pour le coup, qui nous sépare de la rue. Et elle, pour le coup, elle peut se positionner là. Tu sais, c'est dingue. Elle observe tout le temps. Mais tu sais ce qui est dingue? Et pourquoi on parlait de la ville tout à l'heure. On a digressé, j'adore digresser, toi tu es comme moi. Ben oui, mais tu sais, on parlait de la ville. Errance, on va errer. Les gens, c'est j'adore le mot errance. Ben, c'est le titre de mon émission. Ah, mais je pense que c'est... J'adore l'errance. Ben le oui. bouquin errance de Pardon. Il est magnifique. Au tout début, il va chercher, en fait, quelle est la définition de l'errance. Au tout début, c'est une commande. Et donc, il s'interroge et il se dit, tiens, mais qu'est-ce que l'errance, quoi? Donc, il va à droite, il va à gauche, chercher les philosophes, il cherche un peu partout, il va à l'hôpital Sainte-Anne, attaque, qu'est-ce que l'errance aussi? L'errance, c'est aussi une pathologie. À un moment donné, dans le bouquin, franchement, je suis pas bon pour reciter les bouquins, parce qu'en règle générale, voilà, je les voilà. Mais le truc, il y avait un truc dans l'errance qui me plaisait, c'était... Et ça, c'est marrant parce que ça rejoint mon père qui m'avait dit « La plus grande intelligence, c'est la capacité d'adaptation à tout le monde. » Enfin, la capacité d'adaptation aux situations, aux gens et tout. Il me disait que c'est... Souvenez plus du philosophe qui avait dit ça, quoi. Et dans l'errance, une des pathologies, c'est qu'au final, peut être considéré comme errant celui qui, pour le coup, va arriver, va croiser l'inconnu, là, et va avoir une conversation comme si on se connaissait depuis 10 ans. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer entre nous tous les deux. Tu es un errant, je suis un errant, oui. au sens pathologique. Oui, oui. Nous sommes aussi des itinérants du savoir. On est des itinérants, on cherche à savoir, on cherche à connaître. Donc, à comprendre. Durant notre vie, on est constamment des itinérants. Ils étaient plus d'un milliard à se partager la caisse de denrées alimentaires. Ils en bouffèrent le bois, puis se grugèrent le foie. Ils étaient bien dégueulasses, des fourrures de hyènes et des dents longues et malsaines. Étaient tout leur apparat, comme ils étaient fiers les rats. Mais en chiant sans arrêt, ils avaient tout empesté. Ce n'était pas agréable. Ils se battirent pour le haut, plusieurs têtes furent écrasées dans chacune des ascensions qui pourrirent l'enthousiasme, apparaissent les maladies, les ulcères de la prostate, les cancers de la patate. Car nombreux sont les scélérats et nombreux sont les gros tas, beaucoup trop les exploiteurs et les rameneurs en trop. Comme ils sont de gros mangeurs, de la faim ils ont très peur, ils ont même élu un roi pour le faire fêter de joie. Mais pendant qu'ils se battaient pour aller toujours plus haut, moi qui venais de plus bas, découragé de l'odeur et incapable d'ambition et de mordre un pauvre raton, je tombais en fin de compte dans le fin fond de la caisse. Et c'est là qu'ils m'écrasèrent et c'est là qu'ils triomphèrent et qu'ils me complexèrent jusqu'à ce que dans l'atmosphère arrivent les vaisseaux de fer des aliens mangeurs de chair qui jamais ne me touchèrent. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Lâche pas. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que quand tu m'aimes, je mets son poids exactement aussi heureux que le soleil quand il descend dans l'océan comme un carré qui tournerait. Un cosmonaute qui s'envole, une araignée qui se conçoit. Je veux te dire que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. C'est-à-dire que quand tu m'aimes, je me sens presque exactement aussi heureux que le soleil quand il descend dans l'océan comme un carré qui tournerait. Mais quand tu me dis qu'il s'envole une araignée, qu'il se console, je veux te dire que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Je te dirai que je t'aime, voilà. Oh, ma belle aventurière au cœur si téméraire, je suis brisé moulu sur les rochers pointus. Des amitiés déçues, des amours sans issue, l'ange déchu. Oh, ma belle naufragère. C'est là. Come on, baby. Que j'ai passé hier, c'est la plus belle de ma vie. Si je mange, je vais en enfer avec toi, c'est le paradis.